on en HP, Anneli, together on the même track. Ça s'appelle, c'est de la photo stylo. SLJ pour le beat, exclu. Projet rapprochement volume 3, hip hop manifeste. Les neurones en HP. C'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo. Quand je me lève pour le café, jette un coup d'œil à la table basse. Là là là, j'y trouve un texte avec des phrases trop efficaces. Je sais pas qui l'a écrit, en tout cas le style fracasse. Ensuite je me l'approprie, tu sais, je suis juste une grosse feignasse. Je n'ai pas le temps, tu peux m'attendre si tu veux que je te serve un test. Moi j'écris rien, choisis un beat et mon stylo s'occupe du reste. C'est comme ça à chaque fois, quand je me lève, je suis dans le brouillard. J'évite dormir chez WAM, la partie se passe trop toute bizarre. J'habite pas dans un manoir, c'est tout 9h centre-ville. Y'a personne pour me croire, du coup je passe même pour un débile. J'irai pas ça dans ma bio, ça va être chaud pour être une star. T'as expliqué aux maisons disent que j'ai un fantôme scribouillard. Un truc que je contrôle pas et c'est peut-être tant mieux comme ça. Tu voulais du rap spontané freestyle, tu peux compter sur moi. Les neurones en HP, on prend un rap de rigolo. Mes lits entre les lignes, mais pas que c'est la photo stylo. C'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo. C'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo. C'est de la faute à mon stylo, si je raconte que des conneries. Et s'il est bien luné, il me sort des textes à la pipi. Des trucs classe, des faces qui tapent, qui laissent de marbre. Les MC qui se la pètent et qui représentent pour les gros tout nazes. Moi je le connais pas, il me semble qu'on n'a pas le même stylo. C'est pas le même modèle, tiens fais mytho du ghetto. Oups, excuse-moi, ta vie recommence, il faut encore des siennes. J'ai oublié de préciser que je l'ai eu par une masse. On m'a acheté un sort victime d'un stylo hardcore. Quoi que je fasse, quoi que j'écrive, ça déborde, ça dévore. Toutes les scènes, tous les beats, tous les mics, toutes les répètes. Les neurones en HP, faut-il que je le répète? Mais où mon stylo va-t-il trouver toutes ces idées? À ce rythme-là, s'il continue, je vais être le lyriciste de l'année, le rappeur de l'année. Mais il est peut-être encore trop tôt. Ça y est, je m'emballe, mais il est fou ce stylo. C'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo, c'est de la photo stylo. Le pido ayuda a mi diccionario, busco, busco y no canto demasiado. Mi bolígrafo de mierda lo deja todo manchado. Este tonto saca tinta como un pulpo escapado. Dime Steve, con tu pluma de plata sacas rimas por abajo y por encima. Y bueno, ¿cómo se llama tu marciana? Salvadora en toda la galaxia. 74 hispánico-americana. No se trata de flamenco. Además de que se trata de una cronquería, una tontería, una melodía que sacude las vecinas. Bueno Steve, te hago una propuesta, como eres sabio loco, una experiencia. Tu bolígrafo y mi diccionario, mezcla, mezcla, ya tenemos la fórmula. Set la photo stylo, set la photo stylo, set la photo stylo, set la photo stylo, set la photo stylo, set la photo stylo, set la photo stylo, set la photo stylo, set la photo stylo, set la photo stylo, set la photo stylo, set la photo stylo, set la photo stylo, set la photo stylo.